Bonjour à tous. C'est une joie d'être ensemble dans la joie du Seigneur, la joie de cette fidélité que nous avons chantée. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors, je suis pas en retard. Hein. Vous savez que Pâques, c'était la semaine dernière, mais tous les dimanches, c'est Pâques. Parce que tous les dimanches, nous célébrons le grand ressuscité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans un texte assez long. Mais je pense que rendre un culte à Dieu, c'est aussi honorer sa parole dans toute sa longueur. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Nous lirons des versets 11 jusqu'au verset 45. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples répliquèrent, « Rabbi, très récemment, les autorités juives cherchaient à te tuer à coups de pierre et tu veux retourner là-bas » Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais le réveiller. Les disciples répondirent, Seigneur, s'il est endormi, il guérira. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, Lazare est mort. Et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem à environ 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, « Ton fils ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Marthe s'en alla, appelait sa sœur Marie, et lui dit en privé, « Le maître est là et il te demande. » À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ? Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua, « Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Ici s'arrête donc la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Sublime parole du Christ, n'est-ce pas ? Jamais, jamais personne n'a parlé comme lui. Crois-tu cela ? C'est la seule fois, l'unique fois, la seule fois dans toute l'Écriture où Jésus interroge directement une personne sur ce qu'elle croit. Et je pense que par la même occasion, ce que Jésus interroge aujourd'hui, ce matin, c'est notre croire en lui. C'est le contenu et l'objet de notre foi. Et à bien y réfléchir, n'y a-t-il pas là, en une seule phrase, une seule déclaration, toute la somme de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Croire cela. Croire celui qui dit cela. Vivre et croire en lui, tout simplement, pour vivre au-delà de soi, au-delà de son trépas, dans une mort qui ne nous séparera jamais de Dieu. Alors, ce chapitre 11 de l'Évangile de Jean constitue le point culminant de la révélation de Jésus au monde. Le rappel de Lazare à la vie est le dernier des 7 signes que Jésus accomplit. Il est aussi le plus grand, il est aussi le plus impressionnant. Ce dernier geste de Jésus condense à lui seul le sens de sa mission. Dire ce qu'est la vie. Donner la vie, offrir la vie en abondance. Qu'est-ce que la vie ? C'est la question que nous pose ce texte ce matin. Et si nous nous posons cette question, il nous faut aussi explorer son corollaire. Qu'est-ce que la mort ? De quel sommeil, de quelle mort nous faut-il être réveillé pour vivre pleinement, pour vivre abondamment ? Lazare est mort. C'est fini. Il était malade, nous l'avons lu, et cette maladie l'emporte pour toujours. Pourtant, dans un ultime appel, dans une dernière prière, Marthe et Marie avaient fait savoir à Jésus que la santé de Lazare, de son frère, leur frère, se dégradait. Il fallait faire vite, venir au plus vite pour le guérir. Et le texte nous renseigne sur la relation si particulière qui les unissait, Marthe, Marie, Lazare et Jésus. Jésus aimait Lazare. Il aimait Marthe et il aimait Marie. Ils étaient amis. Jésus était un ami pour chacun d'eux. Un ami, fidèle et tendre, quelle coïncidence, nous l'avons chanté. Un ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri, quand nous sommes en souci. C'est ce que nous avons chanté. Mais dites-moi, quel ami fidèle et tendre pourrait se détourner à ce point de nous lorsque nous avons besoin de lui ? Lorsque le malheur nous frappe, lorsque nous sommes en détresse. Le livre des Proverbes ne nous rappelle-t-il pas dans un idéal d'amitié que l'ami aime en tout temps et que dans le malheur il se montre un frère. Mais parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, Jésus, l'ami de la famille, tarde. Il temporise, il n'est pas là. Il ne vient pas dans nos urgences. D'une part parce que revenir en Judée, c'était risquer sa propre vie avant l'heure, et puis parce qu'il avait prononcé des paroles encourageantes, souvenons-nous au début, une promesse même. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu, c'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. D'ailleurs, s'agit-il d'une promesse ou l'expression d'une intention ? Lorsque nous sommes frappés par la maladie ou par l'épreuve, le désespoir de notre humanité se raccroche le plus souvent à la première partie du verset. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Et que de prières, frères et sœurs, que de prières ont été adressées à Dieu en ce sens, n'est-ce pas ? La seconde partie du verset, nous la laissons volontairement de côté. Nous n'avons pas compris ou mal entendu que la vie avec Dieu, ce n'est pas d'échapper à l'épreuve, mais d'être secouru dans l'épreuve. Et des malentendus, dans cette histoire, il y en a beaucoup. Le premier malentendu qu'il nous faut dissiper, c'est qu'il peut y avoir de la gloire dans la maladie. Dans une situation qui dure, de la gloire dans le silence de Dieu, dans son apparente inaction, dans une réponse qui tarde à venir. Une gloire dans l'attente de Dieu, une gloire que nous rendons à Dieu parce que nous le célébrons, parce qu'à lui appartient la gloire. Et dans ce texte, Jésus justifie son absence par une joie que nous avons du mal à entendre aussi. Lazare est mort et je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là afin que vous croyiez. Comme si son absence devenait le champ d'action de la foi. Oui, Dieu peut être admiré, reconnu, adoré même pour qui il est dans ce que nous traversons. Et je crois déjà que réaliser cela est déjà une forme de résurrection. Mais pour l'heure, Lazare est mort. Et l'amitié de Jésus n'a rien changé. Son amour pour eux n'a rien empêché. Marthe se lève à la rencontre de Jésus qui arrive un peu tard. Il aurait pu faire quelque chose s'il était arrivé à temps. Et c'est avec ce reproche qu'elle va vers Jésus. Ce même genre de reproche que nous aussi nous adressons à Dieu lorsque nous trouvons le temps long. Ton frère ressuscitera. Jésus ne lui adresse pas ses sincères condoléances. Il remet devant elle l'espérance de la résurrection de son frère. Marthe, qui connaît parfaitement son catéchisme, son credo, complète les mots de Jésus par cette suite. « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » C'est là l'espérance des vivants que nous sommes, ressuscités un jour au dernier jour. Mais par rapport à aujourd'hui, à notre présent, à notre vie présente, l'horizon du dernier jour, c'est un peu loin. Face à la mort physique, Marthe, tout comme nous, raisonne en termes de vie biologique et de vie chronologique. Pour beaucoup, la vie est ce temps limité dont on dispose dans un corps qui fonctionne pour accomplir un certain nombre de choses, pour agir, pour aimer, pour apprendre, pour transmettre, et la liste ne s'arrête pas là. Et la mort, c'est quoi ? La mort, c'est la fin de tout cela. C'est la destruction, c'est la rupture, pour beaucoup c'est le néant. Depuis toujours, l'humanité poursuit le rêve de reculer l'échéance de la mort à la recherche d'une jeunesse éternelle. Vous avez certainement entendu parler de Brian Johnson. ça vous dit rien? Brian Johnson. Ce milliardaire américain qui consacre à cet idéal toutes ses journées. Il a vendu son affaire, très florissante, récolté 800 millions de dollars pour se payer des soins. Il dépense plus de 2 millions de dollars par an pour essayer de ne pas mourir et espérer vivre jusqu'à au moins 200 ans. Hygiène de vie drastique, nutrition millimétrée, exercice physique. Il s'est même fait transfuser le sang de son plus jeune fils. Soutien des technologies de pointe en matière de santé et de longévité. Il y croit. Crois-tu cela? Oui, il y croit. Il croit et il pense pouvoir échapper à la mort. Et il n'est pas le seul, voyez-vous. Il y a des milliers de personnes dans le monde, à travers le monde, qui, comme lui, cherchent la vie éternelle comme le simple prolongement de notre vie ici-bas. Mais on est là sur la compréhension de la vie biologique, de la vie chronologique, de la vie physique. Et la mort en est le grand ennemi qu'il faut bannir, qu'il faut faire disparaître. Le souci, c'est qu'en voulant échapper à la mort ainsi, on fait de la mort une obsession. Et on réduit la vie, notre vie, à une lutte contre la mort. Mais la vie que Jésus nous offre, c'est plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. Je suis la résurrection et la vie. C'est la réponse de Jésus à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. C'est la réponse de Jésus. Et Jésus reprend les mots de l'Éternel lorsque l'Éternel se révèle à Moïse dans le buisson ardent en lui disant « Je suis celui qui suis. Je suis le présent qui ne finit jamais. » Ce que nous dit Jésus, c'est que la vie est une personne, une vie qui s'offre à nous dans un éternel présent. La vie, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a envoyé pour nous. Être en vie, ce n'est pas être une âme et un esprit dans un corps qui fonctionne. Ce n'est pas non plus essayer de reculer l'échéance de la mort physique dans une quête de l'éternelle jeunesse. Être en vie, c'est croire en Jésus-Christ. C'est recevoir ce don de la vie qu'il nous donne dans le présent de nos vies, maintenant. Et je ne suis véritablement vivant que lorsque je suis au Seigneur, lorsque je mets ma confiance en lui. Je suis là, maintenant, dit Jésus. Je suis là, maintenant, dit Jésus. Je suis la résurrection et la vie. La résurrection, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. La vie dont il parle, c'est maintenant, pas plus tard. Et il ajoute, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce que nous dit le Seigneur ici, c'est que, à travers l'appel à la vie de Lazare et l'incompréhension de Marthe et de Marie, c'est que notre vie est plus que notre corps souffrant, plus que notre jeunesse perdue, plus que nos réussites et nos échecs. Tout ça, c'est la vie selon les critères humains. Mais le Seigneur nous dit que c'est plus que cela, que c'est au-delà de cela, que c'est même autre chose que cela. Nous sommes vivants si nous arrêtons de lutter contre tout cela, si nous guérissons de tous ces schémas et si nous recevons le don de cette relation avec Jésus, qui est lui-même la vie résurrection que rien ne peut détruire. Aucune maladie, aucune souffrance, ni aucune rupture, ni même la mort physique ne pourra nous enlever cette vie éternelle. Elle nous est donnée maintenant, simplement, dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous sommes morts dans un tombeau, comme Lazare, si nous ne sommes pas dans cette relation. Nous sommes séparés de Dieu quand nous vivons dans l'illusion que notre vie ne dépend que de nous. Et si nous sommes incapables d'accueillir la mort biologique comme ce qu'elle est, un passage. Dans la suite du récit, Jésus va ressusciter Lazare, ou plutôt, il va le réanimer, car il le fait revenir à la vie, mais à la vie biologique qui s'arrêtera elle aussi un jour. Ce miracle est un signe que Jésus accomplit pour nous faire comprendre qu'il est celui qui donne la vie, sous toutes ses formes, ici et maintenant, même si la mort s'est installée en nous depuis longtemps, même si ça fait 4 jours ou plus, et que parfois nous nous sentons bien plus morts que vivants. Jésus peut tout. Il a le pouvoir de faire passer toute chose de la mort à la vie. Je pense que quelque part, nous avons, nous aussi, des Lazares, des morts dans nos tombeaux. Je veux parler de toutes ces choses qui nous paraissent perdues à jamais. Toutes ces relations qui nous semblent mortes, tous ces gestes et ces rendez-vous manqués, tout ce à quoi on se résigne. Croyons-nous aux paroles de Jésus? Les avons-nous reçues comme un catéchisme, un credo, ou comme une vérité qui nous saisit, qui nous bouleverse, qui nous fait vivre chaque jour? Croyons-nous que Jésus est notre vie, notre résurrection, et qu'il agit aujourd'hui et maintenant? Croyons-nous que cette vie et cette résurrection dont il parle ne peuvent pas être détruites par la mort? Croyons-nous cela pour notre Église? Crois-tu cela pour toi, pour ta famille? Crois-tu que rien ne lui est impossible? Qu'il a toute autorité sur la vie et sur la mort? Crois-tu cela? Crois-tu qu'il peut ressusciter ce que tu crois mort, redonner vie à des ossements desséchés, refaire pousser des fourrés là où les incendies ont tout brûlé, et t'aider à traverser vivant et debout ce qui ne peut changer? Crois-tu cela? Crois-tu en celui qui est vivant à tout jamais et qui possède les clés de la mort et du séjour des morts? Alors si tu crois cela, si nous croyons cela, alors choisis la vie qui t'est donnée. Aujourd'hui, ici et maintenant, par Jésus-Christ, choisis-le. Et si tu l'as déjà choisi, re-choisis-le par la foi et tu vivras avec lui, à jamais dans la vie, à jamais dans la mort et à jamais dans l'au-delà. Amen.